mon ange, je t'ai haï. Je t'ai laissé aimer l'autre que moi, un peu plus loin qu'ici. Mon ange, je t'ai trahi, tant de nuits habitées que mon cœur a cessé de me donner la vie. Si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi. Des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surannées, des malheurs qu'on oublie, des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Mon ange, t'ai puni, attends me sacrifier, icône idolâtrée, immondice à la nuit. Mon ange, t'ai haï, je t'ai laissé tuer nos jeunesses débauchées, le reste de nos vies. Si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi. Si loin de moi. Des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surannées, des malheurs qu'on oublie, des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Thank you.